بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours 5 aujourd'hui dans l'explication du livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi avec les commentaires, les explications de Sheikh Salih Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant à l'explication du hadith numéro 4 dans Riyad al-Salihin. Et c'est le chapitre sur Al-Ikhlas, hein, la pureté et la sincérité. Donc, le hadith numéro 4, il dit « وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالْ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في غزاة فقال إن بالمدينة رجلا أو إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Et le hadith numéro 5, ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Donc ici, l'imam al-Nawawi a rapporté ces deux hadiths-là. Donc on va lire maintenant leur signification. Le hadith numéro 4, c'est un hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah, selon Abu Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu anhu. Il dit, nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en campagne militaire. Lorsque il nous dit, il y a à Médine des hommes qui, à chaque fois que vous parcouriez une contrée ou que vous traversiez une vallée, étaient avec vous. Il y a à Médine des hommes qui, chaque fois que vous parcouriez une contrée ou que vous traversiez une vallée, étaient avec vous. Seule la maladie les a retenus dans leur demeure. Et dans une autre narration, il est dit, il partage avec vous la récompense rapportée par Muslim. Et l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith de Anas de cette façon. Il dit, nous sommes revenus de l'expédition de Tabouk avec le messager d'Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit, nous avons laissé des gens derrière nous à Médine qui étaient avec nous à chaque fois que nous empruntions un sentier et que nous traversions une vallée. Seul un motif valable les a empêchés d'être avec nous. Donc ici, on va maintenant lire l'explication de ce hadith. Qu'est-ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné comme explication? Donc il dit « قَوْلُهُ فِي غَزَاتٍ أي فِي غَزْوَى » فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر أجر ما نوى. أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر أي لما كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملا. فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا لكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملا وغيره من الأمثلة كثيرة وغيره من الأمثلة الكثيرة. أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. Donc on va expliquer maintenant ce que le cheikh a expliqué. Il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti dans une expédition militaire. Hein? Et la signification du hadith maintenant, c'est que lorsqu'une personne a l'intention de faire une bonne action, mais qu'il a été empêché de le faire par quelque chose, qui l'a empêché, eh bien, on va lui écrire la récompense de cette action-là et la récompense de ce qu'il a eu comme intention également. Il dit, tandis que si la personne, dans la situation, elle fait l'action dans une situation où elle n'a pas d'excuse, c'est-à-dire qu'elle avait la capacité de faire l'action hein, qu'elle faisait, mais elle a été empêchée de le faire par la suite. Hein, donc si la personne, elle faisait l'action lorsqu'elle n'avait pas d'excuse, c'est-à-dire avant qu'il y ait une excuse valable. Auparavant, elle faisait l'action régulièrement. Hein? C'est-à-dire que quand elle était capable de le faire, elle le faisait normalement. Elle faisait cette action-là ou ce bien-là normalement. Puis qu'il y a quelque chose qui est venu par la suite qui a fait en sorte qu'elle ne soit plus en mesure de faire cet acte-là par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire la récompense complète de l'action en question, même s'il ne peut plus la faire maintenant. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, lorsque le serviteur est malade ou qu'il voyage, on lui écrit la récompense de ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé et lorsqu'il était résident chez lui, lorsqu'il n'était pas en voyage. Donc, ça c'est pour la personne qui avait l'habitude de faire quelque chose mais qui ne peut plus le faire à cause d'une excuse. Il dit, tandis que la personne qui a l'intention de faire le bien, hein, et qui a un désir, un grand désir de vouloir faire quelque chose de bien, si cette chose-là faisait partie de son habitude et qu'elle le faisait auparavant, mais qu'elle a été empêchée de le faire par la suite, eh bien, on va lui écrire la récompense complète. Donc, il dit, comme par exemple, si quelqu'un avait l'habitude d'aller prier en groupe à la mosquée, mais qu'il a été empêché d'y aller par quelque chose qui, hein, une excuse valable. Il dit comme par exemple, soit le sommeil, ou bien à cause d'une maladie, hein, ou des choses semblables. Eh bien, on lui écrira la récompense d'avoir prié en jama'a. Hein, et il aura la récompense complète d'avoir prié en groupe, sans aucune déficience, sans que rien lui soit enlevé dans sa récompense. Donc c'est ça que je disais au début lorsque les gens sont rentrés dans le confinement. Et j'avais mentionné cette explication-là par rapport à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient tristes du fait qu'ils ne pouvaient plus aller prier dans les mosquées à cause du confinement et parce que les mosquées étaient fermées. Et par rapport à ce que Cheikh Ibn Uthaymeen a mentionné, je l'avais posté sur Twitter. Et j'ai expliqué que, justement, les gens qui avaient l'habitude d'aller prier en jama'a régulièrement à la mosquée et qui, à cause de cette épidémie, s'est retrouvé à prier chez lui et ne pas pouvoir faire la prière à la mosquée, eh bien, il aura la récompense d'avoir prié à la mosquée comme si, hein, comme s'il l'avait fait normal. Pourquoi? Parce que il a été empêché par quelque chose de pouvoir faire cette adoration-là. Et il avait l'habitude de le faire auparavant. La même chose pour la prière de Jumu'ah. Hein? les gens qui avaient l'habitude d'aller prier Jumu'ah à la mosquée, mais qui ont été empêchés d'aller prier Jama'ah, d'aller prier la prière de Jumu'ah à la mosquée, eh bien, ils auront quand même la récompense d'avoir prié la Jumu'ah, même s'ils ne sont pas allés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une excuse valable. Et non, mais c'était cet exemple. Donc, le cheikh, il explique, il dit, donc, si quelqu'un il a une excuse de ce genre, comme une maladie, ou un empêchement, ou il voyage, ou bien il y a quelque chose comme ça, il aura quand même la pleine récompense, hein, de cette action-là. Le cheikh, il dit, de même que si quelqu'un avait l'habitude de faire des prières surérogatoires, mais qu'il a été empêché de les faire à cause d'un empêchement quelconque, hein, un handicap, une maladie, un accident, une paralysie, quelque chose comme ça, yani, ou bien yani, quelque chose comme qui fait qu'il n'est plus capable de le faire ou n'est pas capable de le faire, soit temporairement ou bien yani, une période plus longue. Yani, s'il n'est plus capable de le faire, on va lui écrire la récompense complète de ces actions-là. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Le cheikh, il dit, tandis que la personne qui n'avait pas l'habitude de faire cet acte-là auparavant, eh bien, si par exemple, il n'avait pas l'habitude de le faire, mais il avait l'intention de le faire, hein, alors on va lui écrire yani, la récompense de l'intention seulement. Mais il n'aura pas, on ne va pas lui écrire la récompense de l'acte, mais on va lui donner la récompense de l'intention d'avoir fait cet acte. Et le cheikh, il donne la preuve à ce sujet-là. Il dit, وَدَلِيلُهُ أَنَّ فُقَرَى الْمَدِينَةِ فُقَرَى الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَبَقَنَا أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يعني أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 ففعلوا فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولم يقل لهم إنكم قد أدركتم أجر عملهم لكن لا شك أن لهم أجر نية العمل ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبيل الخير وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء أي سواء في الأجر أو في أجر النية أما العمل فإنه لا يكتب له أجره لا يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد فإن له أجر ممشاه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا شعبا إلا وهم معكم ويدل لهذا قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il explique ensuite que la preuve de ça c'est dans le hadith. La preuve de ça, c'est-à-dire la preuve que celui qui n'avait pas l'habitude de le faire, il aura seulement la récompense de l'intention d'avoir voulu faire l'action, mais pas la récompense de l'acte lui-même. Il dit que l'exemple de ça, c'est qu'il y avait des pauvres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ô messager d'Allah, les riches nous ont dépassés dans les récompenses hein, et dans le bien. » C'est-à-dire que les riches, ils nous ont dépassés avec la sadaqa et avec l'émancipation des esclaves qu'ils font, le fait de libérer des esclaves. Parce que les pauvres ne sont pas capables de faire ça, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous apprenne quelque chose, hein, que je vous informe de quelque chose, que si vous le faites, eh bien vous serez capable de devancer, hein, vous serez capable de rattraper ou de devancer ceux qui vous ont devancé ou de rattraper ceux qui vous ont devancé et que personne ne pourra vous rattraper dans cela excepté celui qui fait la même chose que vous. Alors ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous allez dire subhanallah, allahu akbar et alhamdulillah à la fin de chaque prière 33 fois. Et alors à ce moment-là, les pauvres ont commencé à faire ça. Et lorsque les riches ont entendu cela, ils ont commencé à le faire eux aussi. Alors les pauvres sont retournés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit, ô messager d'Allah, nos frères parmi les riches ont entendu ce que nous faisions et ils l'ont fait eux aussi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ceci c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de la grâce immense. Et il ne leur a pas dit, vous allez obtenir la récompense de votre action, de leur action à eux aussi, parce que il n'y a pas de doute que vous avez la récompense de l'intention pour l'action. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il n'aura pas dit ça. Pourquoi il n'aura pas dit ça? Parce que il y a une différence entre le fait de faire d'avoir la récompense pour l'intention de faire une action et celui qui avait l'habitude de faire un acte de bien et qui par la suite n'a plus la capacité de le faire alors celui-là il aura la récompense de l'action complète, mais ça c'est pas la même chose hein, si la personne n'a pas l'habitude de le faire. Et il dit, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de celui à qui Allah avait donné de l'argent et qui le dépensait dans le sentier du bien, et qu'il y avait un homme qui était pauvre, hein, et il a dit, si moi j'avais la même richesse que cet homme, eh bien j'aurais fait la même action que lui, hein. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet là eh bien il sera, hein, il aura cette intention. Hein, il sera selon son intention. Hein, donc, ils seront égaux dans la récompense. Et le cheikh explique qu'il s'agit ici de l'égalité dans la récompense par rapport à l'intention d'avoir fait l'action. Et non pas qu'on lui écrira la récompense d'avoir l'action. Excepté s'il avait l'habitude de faire l'acte lui-même. Et il dit donc que... comme c'est mentionné également dans le hadith qu'on a lu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que toute personne qui sort dans le sentier d'Allah, dans une expédition militaire et dans le djihad, qu'il aura la récompense de chaque pas qu'il fait, hein, lorsqu'il marche dans ce sentier-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, yani, que vous ne marchez pas une distance, et que vous ne traversez pas une vallée, hein, ou un chemin, excepté que, yani, ils seront avec vous. C'est-à-dire ceux qui ont été empêchés à Médine, hein, ils vont être, ils, ils, c'est comme s'ils ont marché avec vous. Hein, ils ont la même récompense. Ils ont la même récompense. Et il mentionne par la suite le verset 121 et 120, 120 et 121 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement mentionne ce principe-là, mentionne cet aspect-là. Il dit, oui, c'est ça, il dit, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des kuffars, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants, et ils ne supporteront aucune dépense minime ou importante, ne traverseront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif, en sorte qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Donc, c'est-à-dire que tout ce que le croyant fait lorsqu'il est parti, hein, en expédition militaire, eh bien, ça fait partie de qu'est-ce qui est écrit pour lui comme bonne action. Et le cheikh, il dit, وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَصْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. هذا من فضل الله عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والله الموفق والله الموفق. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que quelque chose qui est proche dans ce sens-là aussi, c'est que l'homme qui, lorsqu'il fait son wudu dans sa maison et qu'il éteint le wudu sur ses membres et qu'il sort de sa maison pour aller à la mosquée et qu'il n'y a rien qui le fait sortir de chez lui excepté la salat, eh bien celui-là, il n'y a pas un pas qu'il prend ou qu'il fait, hein, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala l'élève pour ce pas qu'il prend ou pour ce pas qu'il fait. Allah l'élève d'un degré et lui enlève un péché. Et ceci, c'est pour indiquer donc la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande récompense aux moyens, hein, ou aux causes, ou aux moyens qu'on prend pour aller vers le bien et vers les bonnes œuvres. Et ça a été expliqué donc par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour arriver à faire quelque chose de bien, alors c'est un bien en soi et il y a une récompense pour ça. Donc, c'est-à-dire que toi, tu sors de chez toi pour aller faire la salat, mais les pas que tu prends pour y aller sont écrits pour toi comme étant des bonnes actions. Et ce que le cheikh ici, il explique, c'est également vrai dans le sens contraire. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, il fait un pas vers le péché, eh bien, il a, pour chaque pas qu'il prend vers ce péché-là, un péché qui lui est calculé aussi. Hein, un péché qui lui est calculé aussi, parce qu'il marche vers le haram. Le hadith suivant, c'est le hadith numéro 6. D'accord? Et c'est le hadith qui est rapporté an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas ay na'am radiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun sahabiyun qala wa kana abu yazid wa kana abu yazid أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Rawahu al-Bukhari. Donc ici, ce hadith qui est rapporté yani par Al-Bukhari, c'est le hadith, on a dit le hadith numéro 6. Et encore une fois, la numérotation du hadith, elle peut être différente. Elle peut être différente d'une édition à l'autre. Donc, c'est pas un problème, Inch'Allah, si c'est pas le même numéro, parce que certaines personnes, certaines éditions, elles ne tiennent pas compte des différentes narrations du même hadith. Elles les calculent pas comme étant deux hadiths, mais elles les calculent comme étant un seul. Tandis que d'autres éditions calculent chaque narration du même hadith comme étant un hadith supplémentaire. Donc, il y aura donc une différence dans la numérotation. Mais yani, c'est les hadiths sont les mêmes, c'est-à-dire il y a les mêmes hadiths qui sont mentionnés. Donc le hadith qu'on a lu, c'est le hadith suivant, rapporté selon Abu Yazid ibn Ma'an ibn Yazid al-Akhnas. Donc Abu Yazid, le fils de Ma'an, le fils de Yazid ibn al-Akhnas. Et donc il dit ici que dans cette chaîne ici, les trois qui rapportent le hadith sont yani chacun sont le fils de ou bien chacun, c'est-à-dire que il explique que il y a le fils, il y a le père et il y a le grand-père. Dans la chaîne de transmission, il y a le fils, il y a le père et il y a le grand-père. Donc Abu Yazid, c'est le fils. Iman, c'est le père. Oui, c'est ça. Man, c'est ça. Donc, Abu Yazid ibn Man ibn Yazid ibn al-Akhnas. Donc, le fils, le père et le grand-père. Et les trois étaient des Sahaba. Les trois étaient des Sahaba. Et il dit que Abu Yazid avait quelques dinars. Il avait pris quelques dinars pour en faire sadaqa. Et il les a donnés à un homme dans la mosquée pour les distribuer. Et lorsque, il dit, lorsque j'entrais dans la mosquée, cet homme me donna les dinars. Alors je les pris et j'allais voir mon père pour l'en informer. Il me dit, par Allah, ce n'est pas à toi que je destinais ces dinars. Alors nous allons voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui exposer notre cas. Et il dit, il nous a répondu, tu seras récompensé selon tes intentions, ô Yazid. Et quant à toi, Ma'an, tu mérites ce que tu as pris. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père, il a mis de l'argent pour que cet argent soit distribué à des gens dans la mosquée, mais il n'avait pas l'intention que ce soit donné à son fils. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé de l'argent. Et là, l'autre, il est rentré dans la mosquée, il a trouvé quelqu'un qui donnait de l'argent, il a pris l'argent. Et il est retourné à la mosquée pour dire, je suis rentré à la mosquée, quelqu'un m'a donné de l'argent. Il a dit, oui, mais moi j'ai donné l'argent à quelqu'un dans la mosquée pour qu'il le distribue aux pauvres, ou qu'il le donne à quelqu'un, mais pas à toi. C'était pas à toi que j'avais l'intention de le donner. Alors ils étaient pas d'accord sur ça. Alors ils sont allés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir quoi faire dans cette situation-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué que yani, tu auras quand même la récompense. Il a dit, oh Yazid, tu auras la récompense pour laquelle tu as donné ta sadaqa. Tu auras la récompense de la sadaqa. Et toi, Man, tu as pris cet argent. Tu avais le droit de le prendre aussi. Tu l'as mérité toi aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, il explique ici ce hadith. Il dit, وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي قِصَّةِ مَعْنِ Ibn Yazid وَأَبِيهِ رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء فجاء ابنه معا فأخذها. يعني ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد، يعني ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين. فبلغ ذلك أباه يزيد فقال: ما إياك أرد، أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. الشيخ explique dans l'auteur l'imam Nawawi il mentionne ce hadith dans lequel il y a l'histoire de Ma'an, le fils de Yazid, et de son père. Il dit que son père Yazid était sorti avec de l'argent et l'a donné à un homme dans la mosquée pour qu'il les distribue pour lui comme sadaqa, pour les pauvres. Et son fils Ma'an est rentré et les a pris. Il a pris l'argent. Et il dit que c'est possible que cet homme avait été... L'homme qui avait été chargé de distribuer cet argent, il ne connaissait pas Ma'an. Il ne savait pas que c'était le fils de Yazid. D'accord? Donc ça, c'est une des possibilités. Et c'est possible également que l'homme lui a donné, étant donné qu'il faisait partie de ceux qui méritent d'obtenir ou de recevoir cette sadaqa. Alors... يعني il dit فبلغ ذلك أباه. Donc il a appris, son père Yazid a appris donc que Ma'an avait pris l'argent ou avait reçu de l'argent. Alors il a dit c'est pas à toi que je voulais donner cet argent là. Je voulais pas te donner à toi cet argent. Alors il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a expliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Yazid, tu auras ce que tu avais comme intention, tu auras la récompense de ce que tu avais comme intention, et toi Ma'an, tu as le droit de prendre ce que tu as pris, c'est-à-dire tu fais partie de ceux qui le méritent. Et il dit ensuite le cheikh: فقوله عليه الصلاة والسلام لك يا يزيد ما نويت يدل على أن الأعمال بالنيات وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا معن ما أخذت. ففي هذا الحديث دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنيات وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة. Donc ici le cheikh il explique un principe important dans la charia. Il explique en fait que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: donc Yazid, tu auras selon ton intention. Tu as la récompense selon ton intention. C'est la preuve que les actes sont récompensés selon leurs intentions. Et que l'être humain, s'il a eu l'intention de faire le bien, eh bien, il obtiendra la récompense de cette action-là. Même si, à la base, Yazid n'avait pas l'intention que ce soit son fils qui prenne l'argent, mais Yani, il l'a pris. Son fils a pris cet argent et il faisait partie de ceux qui méritaient cet argent-là. Donc, Yani, c'est lui qui les a eus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et toi, Ma'an, tu as ce que tu as pris. C'est-à-dire, tu as le droit de prendre ce que tu as pris. Et il dit donc, dans le hadith, il y a la preuve. C'est-à-dire, dans le hadith que l'imam al-Nawawi a rapporté, il y a la preuve. Yani, et que les actes sont récompensés selon leurs intentions et que quelqu'un aura la récompense de ce qu'il a eu comme intention et ce sera écrit pour lui comme récompense pour son intention même si ce qui s'est produit par la suite est en contradiction avec ce qu'il avait comme intention. C'est-à-dire que quelqu'un aura la récompense de ce qu'il avait comme intention lorsqu'il a fait le bien, il aura la récompense de cette intention-là, même si ce qui est arrivé n'était pas en accord avec ce qu'il a eu comme intention au moment où il a fait l'action. Et ça, il dit le cheikh que à partir de cela, hein, cette règle, il y a des branches qui en découlent, il y a des principes qui découlent de cette règle-là. Et là, il va mentionner, il y en a 4 ou 5 différents points qui sont reliés à ce sujet-là. Donc, on va mentionner les fawa'id, les points bénéfiques qui sont reliés à ce hadith. Le cheikh, il dit, « فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ » Donc, on a dit, « مِنْهَا ذِكْرُ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهِ أَنَّ الرَّجُلُ لَوْ أَعْطَى زَكَاتَهُ شَخْصًا يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاءِ فإن زكاته تجزي يعني وتكون مقبولة تبرأ بها ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيته. Donc il dit parmi les exemples qu'on peut tirer de ce hadith là, il y a ce que les ulama ont mentionné, qu'Allah leur fasse miséricorde, que lorsque un homme a donné sa zakat à quelqu'un qui il pensait que c'était quelqu'un qui méritait la zakat. Puis que par la suite, il réalise que c'était finalement une personne qui a de l'argent. Hein, et qui ne fait pas partie de ceux qui méritent la zakat. Eh bien, malgré ça, sa zakat, elle va être valable, ou elle va être valide. Elle sera acceptée. Et il aura, disons... remplit son devoir et sa responsabilité vis-à-vis de cette zakat. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'intention de la donner à celui qui mérite cette zakat. Hein? Et donc, il aura la récompense selon son intention. Parce qu'il a pensé la donner à quelqu'un qui la méritait au moment où il l'a donnée. Le deuxième exemple que le cheikh il a mentionné, il dit « وَمِنْهَا أَنَّ الْإِنسَانَ لَوْ وَقَفَ شَيْئًا » كمثل أن يقف بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى الكبير لكنه خلاف ما نوى بقلبه فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه. Donc il dit par exemple que si quelqu'un, il a une personne, il a donné un waqf, hein, il avait une petite maison, il a une petite maison puis il a une autre grande maison aussi. Puis, yani, il a voulu donner la petite maison en waqf. Waqf, ça veut dire que cette maison-là, yani, après sa mort, eh bien, elle va être une source de revenus qui va être utilisée pour sadaqa, pour financer des œuvres de bien, ou yani, entretenir des mosquées ou des choses comme ça. Donc, c'est ce que ça signifie le waqf. Et le cheikh, il explique que si, par exemple, lorsque il a mentionné qu'il voulait donner cette maison en waqf, puis qu'au lieu d'indiquer ou de montrer la petite, il a montré la grande par erreur. Hein? Il dit, mais il aura la récompense selon ce qu'il avait comme intention dans son cœur au moment où il a donné le waqf. Hein? Parce que la récompense sera selon, par rapport à son intention et non pas yani, son erreur qu'il a fait avec sa langue. Donc, par exemple, pour dire que même si il a donné en waqf la grande par erreur, mais dans son cœur, il avait l'intention de donner la petite, eh bien, la récompense qu'il aura, c'est la récompense pour la petite et non pour la grande. Ensuite, il a mentionné un autre point. Il a dit وَمِنْهَا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا جَاهِلًا لَا يَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَحَجَّ مَعَ النَّاسِ فَقَالَ لَبَّيْكَ حَجًّا وَهُوَ يُرِيدُ عُمْرَةِ يعني يتمتع بها إلى الحج فإنه ليس له فإنه له ما نوى. ما دام أن قصده يقيم العمرة لكن قال لبيك حجا مع الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء. Donc il donne un autre exemple ici, et ça c'est un exemple intéressant aussi. Il dit par exemple, si quelqu'un est ignorant et qu'il ne sait pas la différence entre la Umra et le Hajj, puis quand il s'en va yani au Hajj, quand il arrive au moment où il va rentrer en état d'ihram, il fait sa talbiya, puis il dit, hein, il a l'intention de faire le Hajj avec les gens, alors au lieu de, yani, alors qu'il voulait faire la Umra, hein, pour faire le tamattu' jusqu'au Hajj, hein, c'est-à-dire rentrer en état d'ihram pour faire la Umra, puis après la Umra, enlever son ihram, puis une fois que le Hajj commence, de se remettre en état d'ihram pour aller faire son Hajj par la suite. Lui, au lieu de faire ça, il a dit labbayka hajjan, en voulant dire comme s'il rentrait déjà dans son ihram pour le Hajj, donc il va rester en ihram jusqu'au Hajj, même s'il a fini de faire sa Umra. Et donc, yani, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est important ici, c'est son intention. Et étant donné que son intention, c'était uniquement de faire la Umra pour commencer, donc une fois qu'il aura terminé sa Umra, il pourra enlever son ihram, puisque même s'il a dit la Bayka Hajjan avec les gens, mais son intention, c'était la Umra en réalité, donc ça ne fait pas, le fait qu'il a prononcé autre chose, ça ne nuit pas, hein, à ce qu'il avait comme intention. Un autre point aussi, le cheikh qui l'a mentionné dit وَمِنْهَا أَيْضًا لَوْ قَالَ الْإِنسَانِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقِ وَأَرَادَ أَنْتِ طَالِقِ مِنْ قَيْدِ لَا مِنْ نِكَاحِ فَلَهُ مَا نَوَى وَلَا تُطَلَّقْ بِذَلِكَ زَوْجَتُهُ. Donc il dit par exemple, يعني, si quelqu'un par exemple, يعني, il dit à sa femme أَنْتِ طَالِقِ. Et le terme taliq, c'est le terme qu'on utilise pour divorce, pour le divorce. Et mais quand on le traduit, si on traduit ça littéralement, ça veut dire tu es détaché, mais tu es libre. Hein? C'est ça que ça veut dire, tu es libre ou tu es détaché. Donc si l'homme, par exemple, quand il a dit à sa femme « anti taliq », il n'a pas voulu dire « t'es libre du mariage », mais il a voulu dire « t'es libre ou t'es détaché d'une corde », par exemple, ou de quelque chose qui t'avait, yani, attaché ou qui t'avait empêché de bouger. Hein? Donc, par exemple, si elle s'était, je sais pas moi, sa femme était attachée ou était emmêlée, puis que lui, il est venu, il l'a libérée, il a dit « anti-taliq ». Mais pas dans l'intention de vouloir divorcer, mais plutôt dans l'intention de vouloir la libérer. Alors, dans ce cas-là, yani, c'est selon son intention, alors il n'aura pas, dans ce cas-là, divorcé sa femme. Bien entendu, yani, le contexte de ça, c'est bien spécifique ici. Après, le cheikh, il dit « وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ كَذَلِكِ » يعني, « أَنَّهُ يَجُوزُ » والدليل على هذا, يعني, ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته « قد أرادت أن تتصدق قال لها زوجك وولدك أحق من أحق من تصدقت عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدقة وحث عليها فأرادت زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها فقال لها زوجها ما قال لأنه كان فقيرا فقال لها ما قال لأنه كان فقيرا رضي الله عنه فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أي ما شاء الله. Donc ici le cheikh il explique un point important. Il dit que parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith-là ici, c'est qu'il est permis à quelqu'un de donner en sadaqa à son propre fils, alors qu'il est dans le besoin. Hein? C'est-à-dire, c'est permis. Parce que des fois, les gens ils pensent que la sadaqa, il faut absolument que ce soit à un étranger ou à quelqu'un en dehors de la famille. Mais non, c'est permis de donner sadaqa à ta famille. Même que Le cheikh, il dit que il est rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, lorsque il a dit à son épouse, hein, qui voulait faire une sadaqa, ton mari et ton fils méritent plus que tu leur de recevoir ta sadaqa. Alors elle est allée, il lui a rapporté cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il lui a dit cette parole-là, mais il l'a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne lui avait pas dit que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Alors quand il lui a dit cette parole, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait incité les gens de faire sadaqa et encourager les gens de donner en sadaqa. Et elle, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, qui s'appelait Zainab, elle voulait faire donc une sadaqa à ce moment-là. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il était pauvre. Hein? Il était pauvre. Alors, il a dit à sa femme, tu devrais donner à ton mari et à ton enfant, au lieu de donner à d'autres. Et elle a dit non, jusqu'à ce que je demande au messager d'Allah ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce sujet. Et elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la question, justement, comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abdullah ibn Mas'ud a dit vrai, ton mari et ton enfant méritent plus que tu leur donnes la sadaqa, mérite plus que tu leur donnes à eux la sadaqa. Donc ça, c'est un hadith intéressant sur ce sujet là et le cheikh il dit, وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْإِنسَانَ وَلَدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطٌ لِوَاجِبٍ عَلَيْهِ. مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزي لأنه أراد بالإعطاء أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا عليه مثل أن يكون على الإبن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه وإنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده لا الإنفاق عليه والله الموفق. والله الموفق. انتهى كلامه. Donc ici, le cheikh, il explique un point, et ça c'est le dernier point qu'il a dit à propos de ce hadith-là. Il dit, parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est qu'il est permis à une personne de donner à son fils de la zakat, sauf qu'il faut que ce soit à condition de ne pas vouloir faire tomber une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire, de ne pas vouloir faire tomber une obligation? Ça veut dire que si, par exemple, une personne, elle veut donner à son fils de la zakat, parce que elle ne veut pas devoir lui donner une allocation. Elle ne veut pas lui donner une allocation, alors que ça, c'est obligatoire pour lui de donner une allocation à son fils. C'est-à-dire que c'est à lui le devoir de s'occuper de son fils financièrement si son fils n'a pas les moyens de s'occuper de lui-même ou de prendre soin de sa propre personne. Alors, c'est à son père de s'occuper de lui financièrement. Mais lui, s'il veut se débarrasser de cette obligation-là en lui donnant de la zakat, alors dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Parce que tu ne peux pas te débarrasser d'une obligation par une obligation. Toutefois, si son fils, par exemple, il a fait un accident et par conséquent, il a une grosse peine ou une grosse amende à payer à cause de ça. D'accord? Il a beaucoup d'argent à dédommager à cause de ça. Des milliers de dollars. Et que son père, du fait qu'il voit que son fils a cette grosse amende à payer, il lui donne de la zakat pour l'aider à payer cette amende. Alors dans ce cas-là, c'est permis pour lui de lui donner, puisque ce n'est pas pour faire tomber une obligation vis-à-vis de son père ici. C'est pas pour enlever cette obligation que son père a par rapport à son fils, mais c'est plutôt pour l'aider à régler cette amende qu'il doit payer. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, oui, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis, on continuera le prochain cours, la suite de l'explication des autres hadiths de Riyad al-Salihin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.